Cumulonimbus ou le pépin de papy, une histoire de Patrick Agostini, illustrée par Valérie Legrand. Avec Zia Picard. Avec Reda Picard, assistant de réalisation. Dans le grenier, j'ai retrouvé le parapluie de mon grand-père. Mais je l'ai serré, tant serré, qu'il s'est cassé en deux. Avez-vous déjà vu par paquets entiers rouler, se faire et se défaire des nuages dans le ciel? Sous les bouffées du vent, ils se métamorphosent en vieux barbus, en statues échevelées, en grands monstres menaçants, ou deviennent des chevaux portant à leur crinière crocodiles, colimaçons, lutins et autres farfadets. Comme l'imaginaire joue si bien avec les nuées, Maître Cumulonimbus faisait du moindre objet de la création tout autre chose que ce que les hommes un peu trop sages en font à l'ordinaire. Pour la plupart, ce bonhomme n'était que ce qu'il laissait connaître de lui. Un modeste artisan du quartier, fabricant et réparateur de parapluies. Cependant, « Tête en l'air !» disait de lui la concierge. « Dans les nuages !» observait de loin son voisinage. Et la rumeur courait qu'il était un peu sorcier, jeteur de sorts, qu'il maniait tout à son gré magie, enchantement et autres sortilèges. Voyez comme il faudrait se méfier de quelques apparences. Son atelier était tout ratatiné entre quelques géants de verre, de béton et d'acier. Sur le fronton, on pouvait lire « Aux mille ondées, Cumulonimbus manufacture en parapluie. » Sur la vitrine, une étrange devise scintillait. « J'ai pris mon parapluie, c'était le neuf, il n'a pas plu. » Je frappai. Un petit guichet s'ouvrit dans la porte vermoulue. C'était sombre. Une affreuse odeur de salpêtre et d'humidité filtrée. Une voix indéfinissable, ferme et douce à la fois, murmura. « Oui, ici le bureau des pleurs. » Perché sur la pointe des pieds, je me souviens avoir articulé « bouche sèche ». Je viens pour le parapluie de papy, pour savoir si vous pourriez quelque chose pour lui. On tout sauta. Parapluie, papy, quel jour sommes-nous? Je comptai mes doigts. Le 9, monsieur. Et dites-moi encore, quel temps fait-il? Machinalement, je levai la tête. Grand soleil, monsieur. Continua la voix derrière la porte. Allez donc à l'aventure sur ma devanture. Pouvez-vous lire ce qui est pimpon sur le carreau? C'était facile. Je pris soin de bien détacher chacun des mots. J'ai pris mon parapluie. Alors, une barbe de mousse blanche vint se loger dans le fenestron. Un large sourire y était planté, comme une rose sur la neige. Deux yeux malins pétillaient. « C'est ma devise !» chuchota la voix. « Elle est peinte avec une laque à ma façon. Eau de mirage, poudre de perlimpinpin additionnée de poudre aux yeux, poussière d'étoiles. » « cœur sec et briseur de rêves ne la voit pas et n'entre pas ici. Le guichet se referma tout aussitôt, la porte s'ouvrit. Côté casquette, l'homme qui m'apparut avait une drôle d'allure. Il se pencha sur moi. « Chance égale chance, dit-il. Je n'ouvre pas non plus lorsqu'il pleure. Je me présente. Maître Cumulonimbus, pour vous servir. Sorcier, sorcier, jeteur de sorts et de ressorts, qu'importe. Contre les promoteurs diesel, vise ses boulons contre tout ce qui sert, tout ce qui certitude, tout ce qui ne sert à rien d'en serrer. Mes armes sont des larmes et de deviner que vous saurez rire ou pleurer. Soyez le bienvenu dans mon univers vermeil. » D'un geste, il m'invita à passer le seuil de la porte. Comme je la franchissais, avec une infinie délicatesse, il m'ôta le pépin de papy des mains. « Montrez-moi ce malade et tentez de découvrir ce qui ne se voit pas. » Je me souviens d'un long tunnel. À l'intérieur vibrait une douce lumière. Je humais à présent une fraîche odeur de fougère et de sous-bois. Rien qui ne puisse m'apeurer. Pourtant, lorsque j'arrivai à l'extrémité, quel choc ! Là-haut, tout là-haut, une charpente en étoile maintenait au plafond une fine toile tendue. Un mât, comme celui d'un galion, qu'on distinguait au centre dans une lumière ténue, supportait l'assemblage. Un parapluie géant abritait les mystères de Maître Cumulonimbus. Au sol couraient les vapeurs blanchâtres d'un frais tapis de brume. Toile, étoile, piste de cirque, souffla le bonhomme. Ici, c'est sûr, on n'est sûr de rien. Tout est affaire de légèreté. Cela contiendrait 43 fois à votre atelier, balbutiai-je. Enfin, ce que j'en ai vu dans la rue. Pourtant, je ne suis monté ni descendu. Ah, taisez-vous, protesta mon hôte. Chahut, tohu-bohu, vous voilà bien pressé d'aller trop vite. Ici, il faut être reconnu. C'est ainsi qu'accrochant le parapluie au creux de mon bras, il frappa dans ses mains deux fois. Ce signal, dans un glouglou enchanteur, un film liquide se mit à glisser du plafond. Un rideau d'eau dessina les contours de cet extraordinaire endroit. Au même instant, sans faire un bruit, une sorte de gouttière en forme de couronne sortit du sol au pied d'un cercle d'eau. Tout de suite, elle avala ce qui roulait du plafond, puis se mit à tourner sur elle-même. N'oubliez pas, de temps en temps, donner à boire au poisson rouge, conseilla mon hôte en me prenant la main. Ignorant ma peur, il me guidait vers un petit pont qui, un peu plus loin, enjambait la goulotte. Tandis que mes pieds s'amusaient à lever des lambeaux de vapeur, je voyais au lointain des traînées de volutes dessinées dans l'ombre d'inquiétantes formes sombres. Fallait-il rire ou fallait-il pleurer ? Mais nous étions au pont. Je vis une ombrelle posée là, à l'envers, sur un socle de pierre, au palais sans tombelle. Un système complexe de tubes et d'alambics conduisait l'eau dans cette conque, puis la retournait prendre en chantant son cycle dans la gouttière. cumulonimbus y trempa le doigt. Le liquide se mit à bouillonner, à briller, inondant nos visages d'une intense clarté. Levant les bras au ciel, il proféra. Comme un ruban de lave trace un serpent de soir sur les versants du Stromboli, chaque goutte a sa source et source de lumière. Alors l'eau dans la couronne, elle aussi s'illumina. Complètement éberlué, je carapatai derrière le maître qui, comme si de rien n'était, avait repris sa marche. De quelques pichenettes, il projetait maintenant cette eau magique en l'air. Que tout alentour, comme on s'embrasse, s'embrase à son tour, disait-il, et les gouttes flottaient dessus nos têtes, improbables étoiles, incandescentes, brûlant de mille feux. Ainsi, partout où se posa mon regard, partout où il m'apparut, ouvert ou fermé, nu ou glissé dans un fourreau, des centaines, des milliers de parapluies étaient plantés au sol, comme poussent les champignons, les pieds dans un nuage. Voilà comme un secret secret, dit fièrement Cumulonimbus. Voilà le jardin aux parapluies. Ce spectacle me bouleversa tant, je me souviens ne pas avoir senti venir les larmes. Un contact froid sur les joues me vint pourtant briser le charme. « Allons, garçon, souriait Cumulonimbus en passant sous mes yeux un récipient d'argent. Cette jolie cueillette me dit qu'il est temps de s'asseoir et nous apprivoiser. » Avec d'infinies précautions, il vissa sur mes pleurs un minuscule couvercle serti de pierres précieuses et glissa comme un trésor le pot dans son gousset. Ensuite, il m'indiqua du doigt ses horreurs qui rampaient tout à l'heure. Deux inoffensifs canapés tissés dans un fil de nuages. Je posai face au maître une fesse crispée sur un des coussins de vapeur. Lui s'y laissa tomber, mais ne s'y enfonça que fort légèrement. Moins abasourdi, j'aurais pu, je crois, me laisser aller aussi, mais tant de lumière et tant de parapluies. Et bien vivants, les parapluies. Derrière nous, quelques-uns d'entre eux, entr'ouverts en bouquet, se fermèrent brusquement. N'y prenant garde, le mage leva l'index. Sous l'eau, des lacs, conques et coquillages se ferment à l'approche de certains intrus. Mais tout va bien. Ni tunnel, ni souterrain. Ici, je pleure, tu pleures, il pleut, il ne pleut que des larmes des songes. Je me souviens, il coucha sur ses jambes le pépin de papy. Le tourna, le retourna dans ses grosses mains, les yeux clos, le renifla, s'en effleura le front, longtemps, longtemps, longtemps. Lorsqu'il revient à lui, puis à moi, une étrange étincelle luisait dans son regard. « Oui, oui, oui, oui !» s'exclama-t-il. « Ici même est né cet aîné. Un oiseau, c'est vrai, digne des plus grands soins. Savez-vous, mon garçon, la belle âme qui l'a couverte est des plus nobles, des plus vaillantes. À travers elle, je vous l'assure, vous frappez la bonne porte. » Cependant, Il sortait la petite fiole de sa poche, la décapuchonnée. « Seriez-vous prêts à croire ce que j'ignore depuis longtemps ?» Sans attendre la réponse que je n'avais pas, il déversa mes larmes sur le vieux parapluie qui, comme l'oiseau qu'il n'était pas, aussitôt s'envola, loin de nous. Voyant mon désarroi, il s'empressa d'ajouter « Oh, n'ayez nulle inquiétude, il connaît chaque chemin. À la bonne heure, nous irons le rejoindre au puits. » Le pépin volatilisé, il fit claquer ses doigts. « J'entends qu'il est temps et tentant d'étancher votre soif. Il nous faut des délices et de l'eau pour nous verser bientôt les chaudes et fraîches larmes des rêves. » Jamais je ne sus d'où venaient ces minuscules nuages. Un rouge vif et un vert. « Menthe ou grenadine ?» questionna le magicien. Je n'eus qu'à tendre la main, tête renversée, pour presser le pic que me présentait le nuage vert, métamorphosé en vache à la menthe. C'était d'une exquise fraîcheur. Le rouge, devenu citerne de pompier, m'abreuva de bonne grenadine. Je fis le plein de ses nectars. Cependant, comme je me désaltérais, des centaines de parapluies avaient encerclé nos canapés. Crosse tournée vers nous, ils oscillaient dans un froufrou de toile. Cumulonimbus éclata d'un gigantesque rire. Vous vous êtes épanché, et cela a bien plu. Joyeux, il se leva. Vous méritez le puits. Il fit quelques petits pas. Les parapluies s'écartèrent devant nous. Mes amis, cria-t-il à la cantonade, aujourd'hui est le 9. Aujourd'hui, le temps des autres est encore au sec. Aujourd'hui nous revient le premier d'entre vous. J'envoie au puits son messager, pas trop âgé. S'il est bien le gardien, nous lui ferons parfaite fête. Il fouilla de nouveau ses poches, extirpant de curieuses lunettes, sans verre, munies sous les montures de petits réservoirs en forme de sachet. Chaussez ces besicles et suivez vos guides. Arrivez à destination, vous serez délivrés car l'ombre appelle au souvenir. Mais monsieur, rétorquai-je, vous ne m'accompagnerez pas. Garçon, répondit-il, c'est votre quête. D'aller au-delà de l'enveloppe des choses, de rechercher par exemple un papy dans son parapluie, car chaque objet du monde est gardien d'une histoire. Clic, clac. Les horribles lunettes se bouclèrent sur mes oreilles. J'avais deux grosses larmes de clown ouvertes sous les yeux. Tout s'éteignit, tout redevint obscur. Seuls mes deux copains d'en haut diffusaient de l'intérieur une lueur de leur couleur. J'ai peur, je pleure. Avais-je dû crier tandis que s'éloignait la belle voix du mage. Pleurez, mon garçon, nourrissez la baleine, de regrets vous nourrez. Un cauchemar. Je me souviens avoir marché longtemps, main tendue devant moi, dans un épais silence. Sur mes pieds, j'avais une tache rouge, une autre verte. Parfois, elle disparaissait, j'étais au contact d'épouvantables choses. Je hurlais, reculais, et maudissais ce cumulonimbus. Je tâtonnais longtemps jusqu'à ce qu'elle se rallume, alors je repartais, mais sans plus de courage. Des mots me revenaient, ni tunnel, ni souterrain, rire et pleurer. En effet, des larmes roulaient dans les poches sous mes yeux. Joli clapotis pour qui aurait eu le cœur à rire. Pleurer de rire, Mais j'avais trop chaud. J'avais trop peur. Ma vache à la menthe avait pourtant des gestes de réconfort. Je m'arrêtais souvent pour y téter et finissais d'éteindre l'incendie à coups de grenadine. Après un long moment de marche chaotique, l'impression de tourner en rond vint me hanter et de remplir un peu plus les réservoirs du désespoir. Découvrir ce qui ne se voit pas, disait le magicien. Mais où diable sont les choses dans le noir? Il disait encore, l'ombre appelle au souvenir. L'ombre appelle au souvenir. C'est bien ça. C'est bien ça! Hurlai-je à la vache à la menthe. Je me souviens m'être laissé choir sur la tache verte, avoir fermé les yeux. Une photo jaunie dans la main du grenier. Papy. Plouf. Sans que je n'y touche, les lunettes chargées de leur fardeau de larmes venaient de sombrer sous mon nez dans l'eau du puits aux souvenirs. Les éclats moirés de l'eau au ras du puits. De longues traînées de vapeur rampaient toujours. La citerne à grenadine avait gardé sa lumière et stationné au loin. La vache à la menthe s'était couchée. Elle broutait quelques touffes de brume blanche. Je ne sais quelle force me fit lever la tête. Mon cœur se mit à frapper encore un peu plus fort, musique de la panique. Le pépin de papy. Déployé, il descendait, porté par les airs. Je le reconnus à sa crosse de bois sculptée, une belle tête de cygne. Il chuta encore un peu, puis resta en suspension, immobile, à l'aplomb de l'eau. Il était réparé. Alors, sa toile s'illumina d'un bleu de cinéma. Alors, je m'inclinai sur la margelle. Alors, m'apparut sur l'eau le visage de papy. J'avançais la main, mais un incroyable accent m'avertit sans faire de bulle. « Mon petit, me toucher du doigt me ferait disparaître. Par contre, rider davantage ma figure de tes larmes, tu le peux, sans retenir. » J'eus un sursaut d'effroi. La vache se releva et vint tout près de moi. « Ne crains rien, mon petit, » continua mon papy. « Je suis si content de savoir que c'est toi qui me rappelles. Approche !» Ces mots apaisèrent ma drôle de petite peur. Je vins m'agenouiller au-dessus du sourire. Ma vache se recoucha. « Petit !» Tes larmes m'ont fait glisser du parapluie. Tu as refait ma vie. Par ta grâce, je pourrais maintenant être de la baleine, libre, heureux. Penche-toi un peu plus. Il chuchota. Ne parle pas, car je ne puis t'entendre et ne sèche pas ces pleurs qui tombent dans mes yeux, car demain est à ceux dont le cœur s'abandonne. Par ce puits, j'ai à te confier quelques secrets passages de dans ma vie. Regarde, et surtout, sois malin, je te reviendrai vite. Dans un sanglot, je ne puis m'empêcher de crier. Mais papy, tu t'en vas pas déjà? Je me souviens qu'il n'a pas répondu. Son visage s'estompa pour laisser place à de curieux mirages. C'était le livre aux souvenirs de Papy. Ce pays ne semblait s'épanouir que de maigres palmiers, vieux parasols en terrasse, ou bien quelques ombrelles sur l'épaule de femmes en foulard. Ici, pays de feu, il fallait suer sang et eau, chaque jour creuser pour retrouver l'eau. Aux portes d'un village de maisons basses, un jeune homme, torse nu, en nage, cassait la terre sous un soleil de plomb. Il ressemblait à mon papa comme deux gouttes d'eau. Qui cela pouvait-il être, sinon mon grand-père et sa jeunesse? Soudain, à la pointe de sa pioche, une étincelle jaillit dans la poussière. Il se pencha, dégageant du doigt ce qu'il croyait de pierre. C'est là, sans doute, que commença son aventure, car l'objet qu'il délivrait du ventre de la terre n'avait rien d'un rocher. C'était comme un trésor, un lourd coffret, tout ciselé d'énigmes et de motifs en or. Et comme il lui cherchait une serrure, eut lieu le premier sortilège. Le couvercle s'ouvrit de lui-même, comme par enchantement, sans un grincement, comme si s'était mise à tomber la neige. D'abord, Papy faillit reposer bien vite le coffre et s'enfuir. Mais un furtif coup d'œil vit sa curiosité l'emporter sur sa peur. Un parchemin était roulé à l'intérieur. D'une main tremblante, il s'en saisit, le déroula. Venant de lointaines profondeurs, la voix de mon aïeul. Elle traduisait des fines arabesques tracées sur le parchemin. Moi, je n'y comprenais rien. Jours viendront par-delà l'horizon. Nuages et blancs moutons à jamais verront souiller leur toison. Laver l'impur ne sauront. Cieux et nuages s'assombriront, animaux et plantes périront, sur les hommes, infortunes et souffrances fondront. À ne pouvoir s'enfuir, ils s'enfuiront, condamnés aux ténèbres, sans pardon. Toi, qui déterre ce coffre, voilà ta mission. Plante où courent les eaux sauvages cette graine en son cocon. Un arbre jaillira. Ses fruits protégeront les bons. Malheureusement, comme ça, à l'envers, dans son puits, Papy ne pouvait probablement pas lire plus vite. Un autre mirage vint brouiller la fin de l'oracle, éteindre les mots dans sa voix. Le voilà qui farfouillait au fond du coffre, en extrayait une petite urne qu'immédiatement je reconnus. C'était celle où Cumulonimbus avait cueilli mes larmes dans son jardin au parapluie. Elle s'ouvrit. Elle renfermait une chose oblongue et dorée qu'il posa dans le creux de sa main. Cela ressemblait à une très grosse amande. Thank you. du puits se troubla encore. Un nouveau mirage ondoyé, décrivant un voyage. Comme un croisé fait sa croisade, Papy mettait son armure, les feuilles d'un journal, entre chemise et peau. Ainsi protégé de la morsure du froid, carapassonné, il chevauchait fièrement sa mobilette à galets, auréolée de fumée bleue, sa casquette à visière bien vissée sur la tête. La bécane peinait sur d'incroyables pentes. Elle tirait derrière elle une vieille remorque où cahotait, brinque-ballée, sautillait, sans s'essonner dans une énorme corde de chanvre, la malle du grenier de chez moi. Je vis des montagnes, des steppes, des plaines et des vallons. Je vis des chemins, des routes et des autoroutes. Je vis caracoler le petit convoi par tous les temps, par tous les vents. Je vis le soleil, la neige, la grêle, la pluie, mais pas de parapluie. Je vis que lorsqu'il s'adressait aux gens, Papy gesticulait, moulinait des bras, se faisait danser les mains, s'entremêler les doigts, hochait la tête, parlait, s'accroupissait et traçait des dessins du bout de l'ongle sur un tableau de poussière qu'il effaçait ensuite du tranchant de la paume. Il griffonnait des arbres. Il cherchait quelque chose. Filèrent de vastes paysages, la grand-mer et ses rivages, des terres riches, des ruisseaux pleins. Papy était arrivé là et cultivait de grands jardins, mais il était trop en colère contre les gens aux mains chargées de plantes potagères. Il leur criait dans sa langue : « Vous, gens de la pluie, vous êtes bien obscurs. Est-ce que vous n'y comprenez rien, même si je parle avec les mains? Pas un de vous pour offrir un lopin ou planter la graine, vivre près d'elle, la laisser croître et voir ses premiers fruits. Je sais pourtant que c'est bien là la place. » Je vis Papy de nuit, fatigué, un peu plus vieux, debout sur la plus haute dune d'une plage. Fallait-il de l'amertume? Fallait-il de l'impuissance et du désespoir pour que d'un brusque geste de dépit, il jeta loin de lui, haut dans le ciel, la petite urne du magicien. Enfin, il s'effondra, lèvres dans le sel du sable, versa ses premières larmes d'homme, et s'endormit, bercé par le chagrin. Baleine. Cependant, une ombre bientôt vint se poser sur son sommeil. Un large nuage en forme de baleine masqua la lune juste au-dessus de lui. Akali Fourchon sur le mastodonte, une mouette juchée sur l'épaule, quelqu'un criait « Hé, vous, qui mangez du sable, réveillez-vous ! Regardez, fiasco à la fiasque, mon ami l'oiseau l'a piqué du bec en plein vol !» Papy se redressa d'un bond. Celui qui, d'une échelle de brume, descendait à terre en brandissant le flacon retrouvé, était cumulonimbus en personne. Il montra le ciel. « J'aurais encore à rouler quelques pelotes, mais cette affaire devient beaucoup trop aiguë dans le grave et deviendrait laide si vous n'aviez de l'aide. » Grand-père, qui croyait encore rêver, se frotta les yeux. Il allait parler quand une brusque bourrasque éparpilla le nuage baleine sur l'horizon. Cumulonimbus se mit à larmoyer. « Ah ! Adieu, ma douce nébuleuse ! Prends garde aux suies, essuie-toi souvent sous le vent !» Et tandis qu'il sanglotait, il se passait le récipient d'argent sous les yeux, inondant de ses larmes la mystérieuse graine qu'il contenait encore. « Cher ami, finit-il par roqueter, en rebouchant la fiasque, alarmons-nous. C'est bien cela qu'il faudra à la graine. Des larmes, des vrais, de pures émissions d'émotions, des rêves sans trêve, des songes sans mensonges. Venez, j'ai près d'ici un petit atelier qui vous fera un beau jardin. » Il y eut d'autres images. La façade de Maisondée inondant de lumière le cœur du village. Quatre mains transparentes d'inquiétude couchant la longue graine sur un lit de terre meuble. Le village, englouti sous une ville champignon. Un arbre qui grandit. L'abri. Sous cet arbre, assis, agenouillé, debout, couché, face à face ou dos à dos, toujours l'un près de l'autre, Cumulonimbus et Papy, discutant, dansant, chantant, s'émerveillant. Enfin, pour finir de combler mon bonheur, grand-père réapparut. Il souriait. Nous vécûmes des histoires les plus belles, les plus déchirantes, les plus amusantes, des rêves les plus fous. L'arbre au parapluie naquit, grandit de toutes ses bonnes larmes. Un beau jour, ses fruits vinrent. Le premier qui vole sur ta tête me fut confié. Mon garçon, n'abandonne pas un secret qu'il se donne. Moi, j'avais renoncé. Et si la baleine n'avait croisé ma route, jamais, sans doute, cet arbre n'aurait pu voir le jour. Tu comprendras bientôt que tout, alors, aurait été perdu. Voilà, je n'étais qu'un pauvre jardinier et n'avais mérité mieux que d'achever ma tâche. Je dus retourner à la simple vie d'homme, quitter Cumulonimbus. Ce dernier m'assura que ce ne serait qu'une trop longue absence, qu'un mystérieux gardien était là, au fond de moi, et que nous nous reverrions. Mais l'image de Papy, lentement, commença à se diluer, prendre les transparences. Sa voix, peu à peu, était mangée par l'eau. Il dit « Le parapluie me protégea longtemps. Me donna ta grand-mère et ton père, qui jamais ne surent rien de cela. J'eus d'autres joies encore, mais un soir d'hiver, je me suis senti vieux. J'ai laissé dans la malle mon parapluie et quelques autres frusques, et je suis reparti voir le soleil de mon pays. J'avais l'âme fanée, je n'eus pas le temps de te connaître. Mais vois-tu, tu étais en moi. Par le puits au souvenir, me voilà en toi. Tu es bien le gardien. Il est l'heure présent d'un baiser pour ne former plus qu'un. Je me souviens que, tremblant, je m'étais penché. J'approchai mes lèvres. L'eau se troubla. Mais je ne quittais plus des yeux l'extase enfermée dans ceux de Papy. Les sanglots m'aveuglaient. Tout près de l'eau des larmes, je dus fermer les miens, goûter longtemps du sel de cette eau. Lorsque je les rouvris, Papy était parti. Mais quelqu'un, dans mon reflet, me souriait. Et le puits disparut. me revenir. Une étrange féerie enrobait les parages. Comme c'est heureux, fit une voix derrière moi. Tel un oiseau au nid, le magicien était assis au fond d'un large parapluie, lequel tenait pendu à la maîtresse branche d'un vieil arbre. De ses yeux partaient des faisceaux de lumière dorée. Au même instant, le parapluie de grand-père, mon parapluie, doucement descendit et se posa sur mon épaule. Et l'arbre, à son tour, s'embrasa d'éclats d'or et d'argent. C'était si beau que l'émotion me saisit encore, et l'eau de mes yeux, elle aussi, était pleine de lumière. Comme cette heureux, répéta le mage à l'éclatant visage, je vous vois à présent fort bien accompagné. Les larmes qui débordent de votre cœur sont celles du bonheur. Il en est fait ainsi sous l'arbre parapluie que la joie retrouvée fasse l'effet des fées. Il bondit au sol. Signe égale signe. Histoire de légèreté, dit-il. Ce centenaire est issu de la graine. Grâce à votre grand-père, ses fruits, magiques parapluies, grandissent dans ce sol imprégné d'histoire et d'émotion. De la génération première naquit un géant pour abriter ses frères. Il sait aux mille ondées se faire minuscule, ne rien laisser paraître, ni sa grandeur, ni sa profondeur. Nul n'a pu l'arracher, pas même la ville Tentacule. Je me souviens qu'il fit alors un signe à mes copains. Les deux nuages s'enfuirent, baignés de leurs couleurs. Dans le lointain, le même décor se dévoilait. Le mât, la couronne, les canapés. Une fois seul, grave et solennel, Cumulonimbus me prit par les épaules. Il plongea dans mes yeux son regard enflammé. Vous héritez d'une vérité. À l'heure venue, si le ciel, mes frères nuages, trop imprégnés de souillures et de poisons, relâchent sur la terre ce qui les asphyxie, les noircit, les enlaidit, aux êtres avides, aux cupides, aux cœurs secs, aux briseurs de rêves, sera refusé l'abri magique des fruits de cet arbre. Sous terre, ils s'en iront creuser les galeries du repentir. Mais les rêveurs, les songeurs, les conteurs, les cœurs bons et sensibles, protégés par la magie des parapluies, de nouveau feront rire la pluie et renaîtront les arcs-en-ciel. Il recula, montrant le pépin de papy. Celui-là, par bonheur, ne resta pas en mal. C'est par lui aujourd'hui, je l'avoue, sous ce toit, qu'à vous je peux dire tu. Par lui aujourd'hui coule en toi, mon garçon, la beauté d'une histoire. Par lui, ta splendide jeunesse est riche de sagesse, de bonté, de merveille d'une autre vie. Sois le gardien au parapluie, et si l'heure doit survenir, tu sauras reconnaître les cœurs dignes de leur être confiés. Tu es l'espoir. Monsieur, protestai-je. Moi, je suis petit, je ne peux rester là, mes parents, mes copains. Il balaya ma remarque d'une envolée de manches. Pas la moindre inquiétude. Dans l'infiniment petit peut être l'infiniment grand. Tout sera fait à ta mesure. Souviens-toi, l'heure est à la joie. Que soit le bonheur les rires, la magie, que soit la fête au parapluie. Le magicien frappa dans ses mains. Aussitôt, du lointain arrivèrent à la queue-leu-leu, flottant dans l'air nos canapés, poussés par la citerne à pompiers et ma vache à la menthe. Nous nous installâmes confortablement sous l'arbre. Je bus quelques rasades, alors il cria « Le gardien veut y voir !» Aussitôt, sous l'arc du plafond de toile, éclatèrent mille lumières chatoyantes. L'eau dessina de nouveau les murs du chapiteau, la grande couronne en luisant d'ocre jaune, une piste de brume. Tout autour, grands et petits, nus ou en fourreau, ouverts ou refermés, des parapluies, à perte de vue, quel public extraordinaire. Le gardien veut entendre. Une musique de cirque résonna. La fanfare, le plus curieux défilé qu'il m'ait été donné de voir, était de parapluies. Musiciens unijambistes dont les instruments étaient des parapluies. La trompette, un parapluie, la grosse caisse, un parapluie, les cymbales, deux ombrelles. Une voiture entra sur la piste. Mesdames et messieurs, le cirque Tom Pouce et compagnie a le suprême honneur, le fastueux avantage. Le pavillon, un parapluie. Les roues, un parapluie. Le volant, un parapluie. Le gardien veut rire. Mesdames et messieurs, les clowns Pembroke et Pépin éructèrent les haut-parleurs de la voiture. Deux parapluies firent leur entrée en piste, l'un était ouvert et l'autre fermé. Le premier dit « Ouvert à l'envers, sur la moquette du supermarché. Je suis un canard bizarre qui barbote au sec en claquant du bec dans mon coin coin. Je m'appelle Pépin et comme à l'ordinaire, je suis un col vert, je vends des cravates. Ça vous épate. » Le second répondit « Fermé, bien caché, parmi les cannes, pique en canne, dans la jarre de l'entrée, je suis loin courroucé. Au moins de ding-dang-dong, je sors de mes gongs. Qui cacarillonné ? N'êtes-vous point trop mouillé ? Essuyez-vous les pieds. Où je vais vous pincer. » Il manquait bien cela. Le magicien s'esclaffait à chaque verre et pleurait de nouveau, de rire et se claquait les cuisses. À le voir ainsi, j'en fis tout autant, encore un peu pour la baleine. Les clowns finirent leur numéro en apportant le plateau de mirage. « Le gardien veut manger !» crièrent-ils de concert. Le plateau, un parapluie. Le demi-melon, un parapluie. Le pâtisson, un parapluie. « Turlututu !» leur fit écho le magicien. « Le gardien veut des tutus !» Vinrent alors les ombrelles autogires, ballerines à rubans, dansant au gré du vent qui respire et font musique dans leurs girons paraboliques. Très romantiques et majestueuses, ces petites danseuses viraient, virevoltaient, tournaient, tournoyaient, valsaient, déliées et coordonnées. Irisées, enflammées, chamarrées, elles dansèrent aussi le printemps et l'été, et puis l'automne à la forêt. Le gardien veut voir flotter en mer et puis voler en l'air. Tel un épais rideau, un bleu de nuit profonde tomba sur le chapiteau. À mi-hauteur, un fin brouillard, tendu sur l'horizon, fit bientôt l'illusion qu'un petit océan s'étalait droit devant. Petit à petit, surgit de tous côtés une noria de bateaux, flottille de parapluies retournés, allant au gré des flots. Les plus gros des cargos, les plus malins des sous-marins, les plus légers des voiliers. Au-dessus d'eux, ce qui faisait le ciel se fit pure merveille. Il y avait là tous les objets volants, des machines à remonter le temps, des croquis de Léonard de Vinci, des aéronefs, un vol d'hélicoptères, de monstrueux coléoptères, des ballons-sondes, des maps-mondes et même des ovnis, tout cela fait de parapluies. Et maintenant, hurla le haut-parleur de la voiture, le gardien veut trembler. Voilà venir devant nos yeux ébahis le plus hallucinant numéro jamais présenté ici, j'ai nommé le clou du spectacle, l'homme canon. Subjugué, enthousiasmé, comblé, ne sachant pas où cela allait s'arrêter, je me tournai vers Cumulonimbus. Stupeur, il avait disparu. Il y eut un grand silence, froid, pesant. Quelques parapluies de la fanfare firent vibrer leur toile à la manière d'un roulement de tambour. Les lumières au plafond déclinèrent, la couronne s'éteignit, il fit nuit. Ni tunnel, ni souterrain, avait dit Cumulonimbus. Alors, d'où venait cet escalier rouge feu qui, peu à peu, dessina ses marches dans les profondeurs de la piste? D'où venaient ces lueurs rageuses? D'où venait l'âcre fumée qui s'en échappait? Tout près, une petite circonférence se mit à rougeoyer. C'était le puits aux souvenirs. L'eau des larmes y bouillonnait, rugissait, aveuglait. Et puis, il y eut un affreux grondement, de sinistres couinements, l'air vibra, la terre trembla, le géant qui portait le chapiteau, comme s'il eût subitement retrouvé sa mémoire de parapluie, se repliait. Cela provoqua un grand appel d'air, ma vache fut aspirée par l'altitude, puis ce fut la citerne. Mon canapé m'enveloppa, monta, et se défit dans l'atmosphère. La lumière du jour revint, j'entendis distinct le bruit de la ville, je n'eus bientôt plus que le ciel grand ouvert sur la tête carrée des tours de verre, et tendu vers lui le long cylindre du puits qui, éternuant quelques vapeurs, sortait peu à peu de terre. Enfin, il y eut une grande explosion. Le puits, comme le canon qu'il était supposé devenir, expulsa son projectile. Un épais nuage de vapeur, sorte de gigantesque goutte qui monta vers les gratte-ciel. Et cela se redressa, se stabilisa, une queue poussa, des yeux, une belle bouche souriante composèrent une tête. Une superbe baleine flottait dans le ciel de la ville. Tout là-haut, posé droit sur son dos, trônait fièrement le magicien. Je hélai, voulus courir, mais le signe à ma ceinture contraria mon élan. C'est à cet instant que, dans les transparences profondes du ventre de l'animal, m'apparut le visage de Papy. S'en furent poussés par la bise et le puits lentement reprit sa place à l'intérieur du sol. ma vue, je revins à moi, les yeux brûlés par les larmes et le soleil. La fenêtre du ciel s'était réduite à cette brèche, dans un toit défoncé. La pièce était sombre, très sombre, une odeur d'humidité, de salpêtre, filtrée. Autour de moi, le vide, le ciel vide, une pièce vide, un puits vide, plus un parapluie. Le monde de Cumulonimbus venait de disparaître. Seul restait l'escalier qui tout à l'heure s'était enflammé. Je descendis. En bas, les murs d'une cave transpiraient. Il régnait une âcre odeur de soufre. Dans l'obscurité, je devinais le long cylindre du puits suspendu au plancher. À sa base, il y avait une espèce d'affreuse araignée. Quatre pattes, un baquet de fer noir, les restes d'un grand feu de poudre. Dans un coin-coin, je remarquai une vieille remorque, très mal en point, une remorque cabossée qu'aurait bien trop bossé. À l'intérieur, posé sur la poussière, un livre pas plus grand que ça attendait ma venue. Sur l'ouvrage, un parchemin était couché. L'écriture de mon maître y scintillait en lettres serpentines. C'était un sage message. Dans l'infiniment petit, peut-être l'infiniment grand. Près de ta famille, de tes amis, il te suffira d'ouvrir cette petite chose-là pour distribuer les parapluies. Il y eut un bruit de promoteur diesel. Je me souviens avoir serré le livre et mon parapluie tout contre ma poitrine. Je me souviens d'être remonté 4 à 4 codettes. Au premier coucou dans les murs, je refermais la porte vermoulue. Avec le fronton, tout le fatras s'effondra dans un fracas d'enfer. Je vis quelques lettres briller dans des débris de verre. Parapluie, pas plus. Le chauffeur de l'engin démolisseur, avec son casque et ses lunettes de sommeil, n'était pas de ceux qui pouvaient les lire. Je tournais les talons. Sans tristesse, j'avais tout l'atelier et la singulière histoire de Cumulonimbus, l'ami de mon papy, posée là, tout contre mon cœur.